45e leçon. Monsieur Duclos trouve son client. Monsieur Duclos est perplexe. Derrière lui, une voix dit : Vous me cherchez peut-être. Je suis Marcel Chavant. Heureux de vous connaître. Enchanté. Je suis Michel Duclos, de la. Je sais, répond le Suisse avec un sourire ironique. Voulez-vous me suivre ? Nous allons chercher ma voiture. Les deux hommes se dirigent vers les ascenseurs. J'espère que vous avez fait bon voyage ? Oui, ce n'était pas mal, quoique je n'aime pas l'avion. Voulez-vous aller tout de suite à votre hôtel ou voulez-vous passer au bureau d'abord ? Non. Je veux déposer mes affaires d'abord. Exercice. Il veut aller tout de suite à son hôtel. Voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît? Je suis Michel Duclos. Heureux de vous connaître. Je veux déposer mes affaires d'abord. Il n'a pas fait bon voyage. Il était malade.